loin d'être l'homme idéal. Je ne suis pas le meilleur, ça fait mal. Je n'ai pas eu de chance, mais j'y crois, moi. Je sais qu'on me trouve pas normal. Tu me guettes de travers quand tu me vois, toi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Même si aujourd'hui je n'ai rien, t'inquiète, demain tout ira bien. Alors viens prendre ma main si tu m'aimes. Viens marcher sur mon chemin si tu m'aimes. Si nos sourires et nos larmes sont les mêmes, tu peux chanter avec moi si tu m'aimes. Alors viens prendre ma main si tu m'aimes. Viens marcher sur mon chemin si tu m'aimes. Si nos sourires et nos larmes sont les mêmes, tu peux chanter avec moi si tu m'aimes. Parce que ça fait... Il faut du courage. Pourquoi dire que je suis coupable? Au jeu de la vie, je porte un pare-balles. Les ennemis sont tous redoutables. Quitter le ghetto pour des palaces et régner sur Paname. Si je dois traverser les montagnes, c'est bien, mais si tu m'accompagnes, alors viens prendre ma main si tu m'aimes. Viens marcher sur mon chemin si tu m'aimes. Si nos sourires et nos larmes sont les mêmes, tu peux chanter avec moi si tu m'aimes. Alors viens prendre ma main si tu m'aimes. Viens marcher sur mon chemin si tu m'aimes. Si nos sourires et nos larmes sont les mêmes, tu peux chanter avec moi si tu m'aimes. Parce que ça fait... Je voudrais juste une dernière danse. Je voudrais juste une dernière chance. Que les contraires s'attirent. C'est pour ça que nous deux, je pense qu'on s'attache.